Doublette suivante et on s'approche doucement de la fin. On attaque la dernière demi-heure de l'émission de ce soir. Skinflint, Hierophant pour la doublette à venir. Skinflint, tout d'abord, un groupe qui nous vient du Botswana. Nous semble-t-il que c'était la première fois qu'on diffuse un groupe qui nous vient de ce pays. Une déjà belle discographie, une quinzaine d'années d'existence pour Skinflint. On est sur un heavy avec un chant un peu en décalage avec la musique que nous propose Skinflint. Ils sortent là un nouvel EP intitulé AIDS. Une pochette très soignée, très riche, très belle, des couleurs vraiment très prenantes. Voilà, Skinflint, on s'écoutera le titre de l'EP. Et ensuite, Hierophant, le groupe initialement de Black Hardcore Sludge, voilà, venu d'Italie. Grosse évolution musicale maintenant, puisqu'on est sur un espèce de War Black rehaussé de Death. En fait, musicalement, vous prenez Marduk, période Panzer Division, et par-dessus, vous collez un son Death finlandais à la Disma, Demilish, truc comme ça, ou le son Death du Canada, et là on est véritablement pas très très loin de ce que peuvent nous proposer Revenge et autres Blasphemy. Ça pilonne putain de sec, le chant est ultra vénère, et ce Death Siege de Hierophant me faisait un petit peu peur, parce que j'adorais vraiment Hierophant sur leur précédente vague musicale. Et là, bah, le virage, il est méchamment bien passé. C'est différent, mais ça reste très très bien exécuté. Devil Incarnate, c'est le titre que l'on s'écoutera extrait de l'album Death Siege, une sortie Season of Mist. We'll be right back. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir avec Castrator et Raptor. Castrator, ça a été une récente découverte, un quatuor brutal death qui nous vient de New York. Ce sont quatre femmes qui portent ce projet, une sortie de Dark Descent Records. Forcément, au niveau des styles musicaux, des styles lyricaux abordés, nous avons le féminisme et plus particulièrement l'omnipotence et omniprésence masculine, l'oppression même, c'est ça le mot que je cherchais, l'oppression masculine sur la gente féminine en général. Premier album studio Defile in Oblivion, c'est ultra, c'est primitif à souhait et c'est ultra qualitatif. Voilà, l'album est déjà disponible. Et en doublette avec Castrator, on s'écoutera Raptor. Là, on est sur une formation venue d'Argentine. On est sur du True Revival Heavy Metal. Actuellement, la formation évolue en Espagne. Ils sortent là leur second album studio intitulé Blackfire. Également une sortie Dying Victim Production. Castrator, Befall My Existence. Et Raptor, on s'écoutera le titre de l'album Blackfire. Et c'est l'heure déjà de clôturer l'émission de ce soir avec une dernière doublette, une doublette un petit peu spéciale. Tout d'abord, 357 Homicide, l'excellent duo de Brutal Slam Death, Slam Down même, qui nous vient de Manchester. Homicidal Amusement through Supreme Exsanguination. Un duo avec un batteur-chanteur et un guitariste, même sur scène, voilà, c'est leur configuration. Un espèce de slam down d'inspiration Embryectomy, avec quelques petites accélérations quand même pour la beauté du geste. Une sortie chez Relitified Records, on s'écoutera le Scattered Moments Memory Glands. Voilà, pour moi, un des tubes de ce nouvel album de 357 Homicide. A noter que ce deuxième album est bien meilleur que le précédent à mon goût. Et on se quittera avec un titre de Iron Maiden, une fois n'est pas coutume, avec un titre de l'album Brave New World qui est sorti en 2000. Et ça nous permet de clôturer, tout comme le début de l'émission, l'hommage à notre oncle, à Sylvain et à moi, décédé il y a quelques semaines. Cet oncle a fait partie des personnes qui nous ont fait découvrir l'univers du heavy metal il y a de bien nombreuses années. Et Brave New World est très certainement le dernier album qu'il a acheté du coup il y a 22 ans. Voilà, qu'il repose en paix et nous on va continuer à perpétrer cette passion musicale avec donc 357 Homicide qui est clairement la quintessence de l'évolution du heavy metal. Et ensuite Iron Maiden, donc pour clôturer l'émission de ce soir. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés des concerts qui auront lieu dans les semaines à venir en Touraine, notamment porté par Catharsis et tout récemment Something for the Young pour le côté hardcore. Et une nouvelle émission dimanche prochain, bien sûr, en différé. Et on vous tiendra informé d'une prochaine émission live. Ciao, ciao. Let's go. Lost my love, lost my